dedans sans le faire exprès. Tout ça parce que 9 mois plus tôt, deux étrangers pas très propres ont sauvagement fait leur boulot. Et nous voilà avec un nom, tantôt du rang, tantôt du con. On voudrait naître chez les nababs, mais c'est surtout un panier de crabes. Faut d'abord supporter maman, ses fins de mois, ses peurs paniques, ses cris, ses pleurs et ses tourments, ses colères toujours hystériques. Ensuite faut se farcir papa, y'a des chances qui n'en ont pas. Quand il est là, c'est pas la joie, on le descendrait bien des fois, ouais. Tiens, v'là 100 balles, vas-y mon gars, prends ma famille et puis tire-toi. Et si jamais tu te sens comme moi, je te refile mon psy pour les dégâts. Mais le pire de tout, c'est le temps de l'horloge biologique. Faut à tout prix faire des enfants avant que le temps ne nous nique. Quand dans la nuit les corps se lient, maman adore chanter au lit. Une petite sœur, un petit frère, et c'est parti pour la galère. On était seuls, puis on est deux, et parfois trois par accident. On n'a plus le droit d'être amoureux de notre maman à plein temps. Ce sont les jeux qui nous rassemblent, qui font qu'on est si bien ensemble. On se croit parfois compagnons, mais on se parle avec des gnons. Tiens, tiens, v'là 100 balles, vas-y mon gars, prends ma famille et puis tire-toi. Et si jamais tu te sens comme moi, je te refile mon psy pour les dégâts. Un peu comme papa et maman qui ont oublié d'être amants. Ils crient, elles pleurent et puis ils mentent. Ils se rentrent toujours dedans. En plus y'a le reste de la famille, comme si les parents suffisent pas. Toute une bande de joyeuseries qui vous portent sur le stomac. Y'a des tatas et des tontons, des grands papas et des gros cons. Des gens de bien et des gripsous à qui on tordrait bien le cou. Quand l'un d'entre eux vient t'acclamser, faut les voir flairer l'héritage. De venir t'y mettre à penser, y'a du meurtre à tous les étages. Tiens, v'là 100 balles, vas-y mon gars, prends ma famille et puis tire-toi. Et si jamais tu te sens comme moi, je te refile mon psy pour les dégâts. Ma famille, elle est comme ça, pas très cato et pas très nette. Un de ces jours, je vais faire fissa et la refourguer sur internet.